Salut Charline. Alors aujourd'hui, ça y est, on va enfin changer le monde. Ah, c'est aujourd'hui. Ah, d'accord. Cru que ça arriverait jamais. Oui. Alors, on va parler de l'islam. Moi, j'ai médecin. Alors, hein. Alors, moi, j'ai un truc à faire en plus. Et je dois y aller. Non, et on va pas promener ici, là. Mais c'est pas contre toi, non. Non, c'est important. C'est parce que je dois. On se voit lundi. Silence. Asseyez-vous, je vous explique. Ok. Alors, on reçoit Rachid Benzine. Un arabe qui a un nom de pétrole, c'est marrant. C'est un type génial, c'est un spécialiste de l'islam. Ah, ben du coup, voilà, t'as pas besoin de me parler. Moi, j'y vais. Mais non, c'est un historien du Coran. Il en parle très, très bien. C'est un prophète de la paix, tu vois. Et il vient parce qu'il a écrit un livre avec un prêtre. Un musulman et un catholique, c'est un livre pour dire du mal des juifs. Mais c'est pas du tout, enfin. Mais bon, on cherche des sujets alors. Oui, bah déjà, le voile à l'université. Non. Alors, il y a un bon sujet sur les régimes. Ah, les régimes. Ça, mais c'est pas clivant, c'est bien. Mais non, là, on doit s'attaquer à des beaux sujets de société comme ça. Les régimes, c'est un peu clivant. C'est un peu clivant parce qu'il y a avec ou sans gluten. Sujet 2. Alors, sujet 2, moi, je propose Madame Macron. Oui, ça va intéresser M. Dezel. Benzine, Achille Benzine. On prend ce sujet alors. Mais vous êtes bête ou quoi? On a comme invité un homme qui peut nous remettre la mosquée au milieu du village. Il va lui parler de quoi? Du régime de Madame Macron, hein. Voilà, ces sujets-là, c'est de ne pas en parler qui augmente la distance entre les gens. Une fois pour toutes, notre invité est super, voilà. Ouais. Super, sans plomb, 95. Et j'interdis tous ces jeux de mots pendant l'émission. Ah non, mais il n'y a pas de loi qui interdit les jeux de mots. Non, il n'y a pas de loi. Si, il y a ma loi. Oh là, mais attends, c'est pire que la charia. C'est pire. Oui, c'est la Charline. France Inter Akbar, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui tous les agents de sécurité ont sursauté d'un coup. J'ai entendu les coups de feu. Alors tout va bien, c'est bon. Vous écoutez l'émission qui raconte le coup de foudre entre l'humour et l'actualité. Et voici les trois informations que vous ne verrez pourtant pas dans Paris Match, mais sur cette antenne jusqu'à 18h. François Hollande a dû tempérer les ardeurs de Manuel Valls sur le voile. Il voulait l'interdire à l'université. L'université, lieu du débat entre adultes, lieu où on apprend à faire ce qu'on veut. Cette tenue, mais t'as perdu la boule, la Francine. La loi égalité et citoyenneté est un joli intitulé pour parler du plan anti-apartheid social. Au moment où la France se prend tout son passé colonial dans les dents, le gouvernement propose un service civique, par exemple. Aucun sectarisme racial ici. Je n'ai rien contre les négros, Rital, Youpin ou Metec. Ici, vous n'êtes tous que des vrais connards. On aura parlé de voile, de mixité sociale. Et au milieu de tout ce bordel, est-ce qu'il y a une place pour l'érotisme? Dans l'islam notamment. Eh bien, pour tester si votre interlocuteur est chaud sur le sujet, cette astuce. Dis donc, Joey, tu as déjà vu un monsieur tout nu? Joey, tu as déjà été dans une salle de gymnastique? Tu aimes les films sur les gladiateurs? Et lui, je n'ai pas besoin de le tester pour savoir s'il est chaud sur le sujet. Et ça nous fait gagner beaucoup de temps. C'est Alex Vizorel. Bonjour, Charlotte Vanhoenacker. Vous révélez notre vie privée, c'est terrible. Et aujourd'hui, autour de la table, à 17h20, elle connaît la musique comme personne, mais surtout la musique que personne ne connaît. C'est Mélanie Bauer. Bonjour. Bonjour. De quoi on parle? Aujourd'hui, jazz, hip-hop, interdit. Prohibition. Très bien, ça j'ai un pigé mais ça va être super. À 17h30, tous les jours après ses chroniques, ses parents appellent tous les gens qu'il a fait passer pour des truffes. Les Meurices sont donc les meilleurs clients France Télécom de Bourgogne. Bonjour Guillaume. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Moi je vais vous parler de sport aujourd'hui et plus précisément de dopage. Je me suis rendu à un grand colloque sur le thème et j'ai appris des trucs. Les cyclistes sont plus intelligents qu'avant. Et voilà, et ça on ne le savait pas. Et voilà, on apprend des choses. À 17h40, quand elle parle, c'est tellement brillant que parfois le temps s'arrête. Enfin, c'est une image, hein, car elle est capable de parler très longtemps. Bonjour Isabelle Sorrent. Bonjour Alex, bonjour Charline. De quoi on parlera? On va parler de spiritualité, quoi d'autre? Très bien, et 17h55, notre muezzin à nous viendra prendre sa guitare et nous chanter sa chanson. C'est Frédéric Fromet. Le référent de la République qui préside cette émission est né sous Hassan II, roi du Maroc. Vous arrivez en France à l'âge de 7 ans, à Trappes, ça se passe en 78, l'année de Starmania. Vous devenez champion de France, catégorie C, mais quand même, ça se voit, kickboxing en 96, quand Pédale Douce sort dans les salles. Vous enseignez à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence à partir de 2005, c'est l'année où Nicolas Sarkozy veut nettoyer la banlieue au Karcher, parce qu'il a des solutions. Et vous êtes... Rachid Benzine. Oh, voilà, classe. La voix aussi. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Rachid Benzine, politologue et islamologue. Vous publiez La République, l'Église et l'Islam avec le prêtre Christian Delorme. C'est paru chez Bayard. Et puis on peut retrouver aussi une édition augmentée de votre fameux Coran expliqué aux jeunes, paru au Seuil. Vous êtes décrit comme un islamologue libéral, c'est-à-dire que vous exercez votre esprit critique sur les textes. Alors ma première question, un musulman libéral, est-ce que c'est aussi, comme vous le racontez dans le livre, par exemple le président Bourguiba qui sirotait un jus d'orange en terrasse en plein ramadan ? Je ne sais pas si aujourd'hui le président Bourguiba pourrait le faire, c'était possible dans les années 50. Mmh. Aujourd'hui, avec ce qui se passe dans les sociétés qui sont travaillées par le fait islamique, ces choses-là deviennent de plus en plus difficiles parce que ces sociétés-là, elles-mêmes subissent des régressions dont on pourra peut-être tout à l'heure parler. La question de l'islam libéral, c'est simplement que m'inscrivant à la fois dans le courant de la phénoménologie d'un point de vue philosophique et mais aussi dans l'approche historico-critique qu'on utilise aussi au niveau de la Bible, puisque j'enseigne notamment à la faculté protestante de Paris, j'applique ces mêmes outils, qui sont les outils des sciences humaines, à l'approche du Coran. C'est-à-dire que ce n'est pas une approche religieuse, c'est une approche à partir des sciences humaines, l'anthropologie, l'histoire, la linguistique, et on arrive à d'autres résultats que ce que raconte la tradition musulmane, mais c'est valable aussi pour le christianisme ou le judaïsme. Mmh. Alors par exemple, vous expliquez qu'une partie de la solution, c'est de faire prendre conscience aux jeunes que les règles qu'on trouve dans le Coran, ce sont des règles qui existaient dans les sociétés tribales du 7e siècle. Et donc, vous vous proposez de recontextualiser ces versets, un exercice intellectuel qui peut ouvrir un monde et ouvrir l'esprit. Oui, je pense qu'il faudrait quelque part désislamiser notre approche du Coran et montrer en quoi le Coran est d'abord une parole qui s'inscrit dans une société qui parle à des Arabes du 7e siècle et que tous les mots qui sont dans le Coran ne sont pas des mots du Coran ou des mots islamiques, donc ils n'ont pas le vernis islamique. Ce sont des mots qui préexistent au Coran, comme le terme djihad, comme le terme sharia, qui préexistent, je dirais, au Coran. Et donc, il s'agit de remettre ces mots dans la société et dans leur substrat local, parce que ce sont des mots qui parlent à l'imaginaire arabe avant que l'islam en tant que religion dogmatique se construise, puisque lorsque une religion se construit, elle met en place des imaginaires qu'on pourrait appeler des imaginaires islamiques. Or, ces imaginaires islamiques viennent se superposer à l'imaginaire arabe et coranique et vous empêchent de lire le Coran dans sa société du 7e siècle. Autrement dit, il s'agit d'humaniser l'islam et d'humaniser le Coran en l'inscrivant dans le temps des hommes. Mais comment c'est perçu quand vous allez devant une classe d'élèves de 4e et que vous leur dites ça ? C'est parfois difficile à percevoir parce qu'en vérité, nous avons affaire à des crispations identitaires. C'est-à-dire que l'islam aujourd'hui traverse une véritable crise et que toutes les religions sont d'abord dans un aspect identitaire et pas tellement, je dirais, spirituel. Et donc l'identitaire passe par deux choses. Il passe à la fois par l'alimentaire et le vestimentaire. Et plus dans une société comme la société française, plus on parle mal de l'islam, et plus ça crispe davantage les gens. Ce qui fait que il s'agit de sortir de cet aspect identitaire pour déplacer la question vers d'autres champs. Mais là, c'est une question d'identité. Mais en tant que référent, est-ce que vous n'êtes pas la voix que nous on a envie d'entendre, blanc, athée, français? Est-ce que les musulmans ont aussi envie d'entendre cette voix? Je pense que la plupart des musulmans, comme on le dit souvent, sont d'abord des gens qui sont pluriels. Ils sont dans des, il y a un phénomène de sécularisation dans la pratique. Il y a un phénomène, je dirais, de taux de mariage mixte qui est le plus grand d'Europe en France. Et donc, on voit que la très grande majorité est déjà dans un phénomène de sécularisation. Là où nous avons à faire, c'est là où il y a un problème, c'est vis-à-vis d'une certaine minorité qui, elle, est en train de se crisper et qui a de l'influence simplement sur Internet. Hein. Donc, il faut qu'on ait véritablement dans la représentation. Oh, bah on coupe Internet. C'est-à-dire que le futur de l'islam passe aujourd'hui par Internet. C'est-à-dire que les représentations que nous avons de l'islam, elles viennent à travers les médias, avec les satellites, puis à travers aussi je dirais, un certain nombre de sites identitaires, puis les sites musulmans. Donc, ce qui fait que nous avons une caisse de résonance et que le moindre petit problème dans un village va devenir un phénomène planétaire. Rachid Benzine est avec nous jusqu'à 18h. Il publie La République, l'Église et l'Islam, une révolution française avec Christian Delorme. C'est chez Bayard. On est ensemble jusqu'à 18h sur France Inter. It's so hard to remember. things were all around. The only thing she had left me was a lie. At first I couldn't understand. Vous êtes sur France Inter, nous sommes en compagnie de Rachid Benzine, politologue et islamologue libéral, qui publie « La République, l'Église et l'Islam, une révolution française » chez Bayard, avec un prêtre qui s'appelle Christian Delorme. Et puis aussi une édition augmentée du Coran expliqué aux jeunes, paru au Seuil. Rachid Benzine, qui pendant la pub m'a expliqué comment séduire les jeunes filles musulmanes, parce qu'il y a beaucoup c'était de mariages pas de la mixtes. Pub, c'était de la musique. Oui, bah, c'est la musique. Rachid Benzine, vous disiez que vous aviez le code PIN pour aider... Je lui expliquerai, il faut qu'il saisisse un certain nombre de choses. J'ai pas de succès, ça me dérange. Ouais, ouais, ça à la table, Mélanie Bauer qui s'est moquée. Guillaume Meurice et Isabelle Sorrent. Allez, on passe à la formation tout à fait sérieuse. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et voici les titres. Suite à l'interview dans Paris Match, Emmanuel Macron a déclaré que sa femme avait fait une erreur. C'est une plaisanterie ? Non, c'est pas une plaisanterie. Dodo La Saumure va ouvrir un nouvel établissement à Bruxelles. C'est une plaisanterie ? Non. Et il y aura des brèves ! C'est une plaisanterie ? Non, il y aura des brèves. Et donc, la chose la plus intéressante qui ait été prononcée hier soir lors de la grande soirée sur France 2 avec François Hollande, oui. C'est, je cite, hein, oui. C'est une plaisanterie, fin de citation, de Léa Salamé. Bah oui, je crois. Enfin, si on s'en fie aux journaux en ligne, c'est le truc le plus intéressant. Oui, très bien. Est-ce qu'on peut passer à l'information avant que j'aille me pendre avec toute la profession? C'est bon, allez-y. Après l'interview de Brigitte Macron dans Paris Match hier, Emmanuel Macron a déclaré, ouvrez les guillemets, ma femme regrette, elle a fait une bêtise, fermez les guillemets. En revanche, hier soir, pile au moment où François Hollande promettait de réformer jusqu'au bout, Emmanuel Macron à Londres avouait que le gouvernement avait décidé d'arrêter une partie des réformes. Voilà, et Brigitte Macron a déclaré, ouvrez les guillemets, mon mari regrette, il a fait une bêtise, fermez les guillemets. Après l'interview de Brigitte Macron, qu'on appelle déjà Bribri, hein, vu sa notoriété, dans Paris Match hier, Emmanuel Macron s'est repenti, ma femme a fait une bêtise. Donc. Mais oui, cela étant, Macron aurait demandé à sa femme de rester à l'ombre face aux médias. Voilà. Oui, il a demandé de créer un mouvement. En marge. En marge des médias. Passons à droite. Oui, pour la primaire, le ticket Nicolas Sarkozy-François Baroin se précise. Oui, on avait déjà vu ça, hein, quand Gad Elmaleh avait fait appel à Kev Adams pour renouveler son public. C'est exactement le même système. Éducation, la direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale organise l'Eurodictée. Oui. Les gagnants pourront assister à la finale de l'Euro 2016. Ah ben voilà, Karim Benzema a quand même la chance éventuellement de pouvoir y aller. Voilà, mais c'est une dictée, Alex. Ah, hein, oui, donc, voilà. Société, une étude prouve que les parents parcourt 120 000 km rien que pour le trajet lié aux enfants. Ah, moi j'ai pas de gosses. Donc le prochain écolo père de famille dont les gosses font du judo en compète qui me fera remarquer mon bilan carbone va passer un sale quart d'heure. Voilà. Esprit d'entreprise, oui. Dodo la Saumure débarque à Bruxelles avec un nouvel établissement. Et ouais, et on sait bien qui va être la tête de l'ISPS aux prochaines européennes. Culture, le musée du Quai Branly est rebaptisé musée Jacques Chirac. Oui, un choix original pour ce lieu de mémoire. Et des brèves. Japon, deux points, une fille se défenestre du 43e étage après avoir regardé la télévision. Ah, donc on diffuse Touche pas mon poste, donc au Japon, apparemment. C'est confirmé. Consommation, le meilleur croissant du monde n'est pas français, mais australien. Et oui, et ça choque les Français. Il y a deux jours, on a dit que le meilleur vin était italien. Maintenant, le meilleur croissant est australien. Rassurez-vous, le meilleur chauvinisme restera toujours français. Et la dernière, Alex ? Oui, sur Twitter, un utilisateur a entamé une blague il y a 7 ans et l'a terminée hier. Ah, et vous ajoutez une vanne là-dessus, vous. Oui, mais je l'aurai complètement dans seulement 7 ans. Voilà, c'est la fin de cette édition. Non, c'est pas une plaisanterie, c'est la fin de cette édition. Et maintenant, on peut changer le monde avec Rachine Benzine qui nous accompagne jusqu'à 18h. Premier sujet avec vous, eh bien, pour bien commencer la semaine, Manuel Valls avait proposé d'interdire le voile à l'université. Dans une logique d'apaisement de la société française. François Hollande a rejeté cette idée. Heureusement, dans ce pays, il reste des endroits où les gens sont un petit peu plus détendus du string en ce qui concerne le port du voile dans l'espace public. Youssef, des crues, pas des grillés, hein ? Excusez-moi, madame, je suis journaliste au Matin de Paris et je fais un reportage sur le 20e arrondissement, alors j'aimerais bien vous poser quelques questions. Ah bah ça, vous tombez bien, parce que le quartier, je le connais, j'y suis née, alors. Et dites-moi, c'est un caftan que vous portez, là, hein ? Ça ? Je sais pas, non, c'est les robes qu'on trouve dans les boutiques du quartier, pourquoi ? Tenez. Merci. Et ça, c'est un chador ? Un chador ? Oh, le fichu, là ! Toutes les femmes portent ça dans le quartier. Ah non, c'est pratique, ça évite d'aller trop souvent au coiffeur. Josiane Balasco dans Tranche de vie. Alors Rachid Benzine, voilà que François Hollande a donc rejeté l'idée de Manuel Valls d'interdire le voile à l'université. Quand vous avez vu cette proposition de Valls, vous vous êtes dit, c'est une plaisanterie ? Exactement, puis cela participe à une espèce d'hystérisation du débat avec tout ce que nous voyons sur la manière dont il définit lui-même le voile, alors que tous les sociologues nous montrent qu'il y a d'abord une pluralité de signification autour de ce signe qui est le voile. Et je pense par exemple, qu'est-ce qu'il y a d'autre on prend toujours comme signe religieux, soumission, etc. Non, mais c'est-à-dire que si vous prenez le temps d'interroger les filles, puisqu'il y a des ouvrages qui existent et qui parlent, au lieu qu'on l'en parle à leur place, on voit d'abord que pour certaines, c'est un signe de spiritualité. Pour certaines, c'est aussi un moyen de faire face au système patriarcal, donc c'est une vraie volonté. Pour certaines, c'est pour dire aussi merde à la société. Donc il y a des pluralités de manières de porter le voile et donc d'un seul coup, on est en train de le réduire à l'idée de la soumission. Alors qu'il y a une forme de sécularisation. Et je pense que en France, on confond d'abord la neutralité des agents avec la neutralité des usagers. Et donc nous avons un vrai problème aujourd'hui avec la laïcité, puisque aujourd'hui, on tente de faire jouer à la laïcité des choses qu'elle n'a pas apportées, parce que nous avons quelque part un problème avec la diversité, nous avons un problème avec l'islam et nous avons un problème aussi avec une page coloniale qu'on a du mal encore à lire. Il y a une forme de vision éradicatrice de la laïcité, c'est-à-dire pour régler le problème le plus vite possible, plutôt que de voir à long terme avec l'éducation, etc. On interdit, hop, comme à la Révolution, on coupait les têtes pour que rien dépasse. C'est un peu cet héritage-là. Oui, un peu. Et puis on n'a pas du tout, on est devenu des analphabètes d'un point de vue religieux. Donc on ne sait plus du tout lire le religieux. Or, aujourd'hui, il y a des mutations de l'espace public, il y a des mutations même des religions, et c'est ça qu'il faut apprendre à mettre en avant avec un aspect éducatif, et en partant du principe que l'islam fait aussi partie de la société française, comme les anciennes colonies, qui étaient aussi musulmanes, faisaient partie aussi de la société française. Donc, on a un problème avec le religieux, notamment avec l'Église catholique pendant très longtemps, la République et l'État, il y a eu des véritables conflits. Et nous avons un problème avec l'islam parce que nous méconnaissons tout d'abord cette religion. Et ensuite, c'est la religion des anciens colonisés. Et donc ça nous oblige à réouvrir une histoire qu'on n'a pas envie de regarder en face. Est-ce qu'il n'y a pas également un problème quand même de symbolique ? Parce qu'on sait qu'on ne peut pas nier qu'il y a beaucoup de pays qui obligent les femmes à porter le voile. Est-ce que ce n'est pas symbolique dans notre pays qui est censé être encore un tout petit peu le pays des droits de l'homme de dire, ben non, chez nous, ça sera interdit ? Non, parce que si vous prenez le temps de discuter avec ces jeunes filles, parfois ces jeunes filles mettent le voile contre la vie de leurs parents. Donc on les envoie. Ça peut être un geste rebelle alors. Oui, un geste rebelle, c'est-à-dire qu'on les envoie à la fois à l'école de la République. L'école de la République leur apprend l'esprit critique, leur apprend la liberté de choix. Et voilà, lorsqu'elles vont parfois à l'encontre de leurs parents, et je connais beaucoup de parents qui interdisent à leurs enfants de mettre le voile, et les enfants réagissent. Ils leur disent mais cela va vous poser des problèmes lorsque vous allez aller sur le marché du travail, cela va poser un problème. Et les filles vont vers là. Donc il faut aussi nous poser des questions sur les différents types d'émancipation. Je ne pense pas qu'il y ait qu'un seul modèle d'émancipation. La question, pour moi, qui est fondamentale, c'est qu'est-ce qu'elles font de leur voile ? Est-ce que le voile vous permet d'être dans l'espace public, de participer à la citoyenneté, à la vie politique de la société ? Ou est-ce que le voile vous retire de l'espace public et vous retire d'une partie de la population ? Ça, c'est à mon avis le choix fondamental sur lequel il faut opérer. Mais pour vous, ce n'est pas cacher une partie du corps ? Ce n'est pas forcément que ça ? Non, lorsque vous voyez parfois certaines filles qui mettent des voiles avec des jeans qui sont très très moulants. Vous voyez la pudeur. Ah, ça on aime bien. Ça on est pour ça. Voilà, donc, il faut être attentif à ceci, ne pas le réduire uniquement aux religieux. Aujourd'hui, les filles sont en train de s'en emparer pour faire autre chose. Et c'est au moment où elles s'emparent pour en faire autre chose, un élément de mode, que nous voulons le ramener absolument aux religions, sachant que même les fondamentalistes crient au scandale sur la manière dont les jeunes filles aujourd'hui sont en train d'utiliser le voile. Donc il faut être attentif à la réalité, beaucoup plus qu'à un discours supposé musulman ou autre. Isabelle Sorrente, un petit mot avec ça, vous êtes d'accord ? Oui, je suis complètement d'accord. Et puis je me dis, de toute façon, il faut faire confiance aux gens qui sont les acteurs de la société. Non, mais c'est surtout que, de toute façon, les femmes, quand les jupes sont trop courtes, on nous critique. Quand on porte un voile, on nous critique. Donc ça cristallise un petit peu toujours. Je pense qu'il faut laisser la parole à ces jeunes filles. Et puis l'université, c'est le lieu où on devient adulte. C'est le lieu du débat. Et il y a très peu de problèmes avec les signes religieux ostentatoires ou affichés. Chez son syndicat, son parti politique. C'est l'université, c'est le lieu où on développe son esprit critique et son adultisation. Le voile, on peut être à la CGT, ça fait beaucoup quand même. c'est une bonne idée. Et puis on ne sait pas, elles peuvent porter le voile pendant un an, l'année d'après, pas le porter, l'année encore d'après, le reporter, c'est leur histoire. Si on n'a pas le temps de faire son shampoing, c'est tellement pratique. Mélanie Boer, vous aussi, un petit lien avec la subversion, l'interdiction. Exactement, l'interdiction, c'est tout aussi idiot que l'obligation. On est d'accord. Aujourd'hui, donc, de l'interdit naît la culture. Par exemple, il y a chez le rappeur une fascination pour le gangster, le bad boy bling bling West Coast des années 2000 avec sa copine en bikini à l'arrière de la décapotable. Elle a rien sur la tête, elle a rien nulle part. Celui qui fait du fric sans état d'âme, une inspiration aussi chez nous, par exemple avec Booba et la famille Sarkozy. Et puis, il y a aussi, pour d'autres, le fantasme du gangster vintage de Chicago. Celui-là, je l'aime, il est plus classe, il est élégant, dans son pantalon à pince, sa veste bien coupée. Ce gangster-là, il est né de la prohibition américaine à la fermeture des bars dans les clubs clandestins de Chicago des années 30. Eh bien, ces héros, ils sont chic, ils sont jazz, ils viennent de quitter la Nouvelle-Orléans pour aller jouer dans ces caves interdites, biberonnées à la trompette de Louis Armstrong. Ils deviennent les pionniers de la culture afro-américaine. C'est le Wild Man Blues. De classe. Louis Armstrong, 1927. Cette imagerie des années 20-30 nous nourrit encore aujourd'hui, car il y avait un dialogue d'un début de siècle à un autre. On a l'impression qu'on se parle avec tous ces gens qui ont disparu il y a 100 ans. Une connivence à Montréal, par exemple. Josh Dolgin, alias Sokol, le MC québécois, fouine dans le grenier de sa famille et tombe sur de vieux vinyles de musique klezmer. Alors, c'est qui, lui ? Je le connais pas. So Cold ? Oui. Et bien justement, on va en parler. Déjà, la musique klezmer, vous savez ce que c'est ? Non. Voilà. Ce sont oubliés des juifs d'Europe centrale et de l'Est qui retrouvera un nouveau souffle avec l'immigration forcée des années 30 aux États-Unis. Beaucoup de clarinettes. Avec beaucoup de clarinettes, on en parlait tout à l'heure. Une immigration forcée, donc poussée par l'interdit de vivre. Josh se plonge dans ses racines et crée le klezmer hip-hop avec un premier tube, You Are Never Alone. And frankly, there's nothing so unusual about being a Jewish cowboy. Le cowboy juif, super. super concept. Il y a Rachid Bedjine qui rigole. Et ouais. 3 millions de vues hein, sur YouTube pour ce morceau et des collaborations prestigieuses par la suite avec David Krakauer ou encore l'arrangeur de James Brown, Fred Wesley. So Cold coproduira même Enrico Macias. Attention, bon, c'est une autre histoire. Chez nous, l'époque de la prohibition, les interdits, les caves moites de Chicago inspirent aussi la scène hip-hop. Par exemple, S-Boss qui sort hip-hop et jazz mixed up, des mash-up, de l'instrument... Alors, des mash-up, c'est de l'instrumental d'un morceau avec la voix de l'autre. Le mash-up. D'un seul coup, les interdits se mélangent. Les bas-fonds des clubs de Chicago rencontrent les rappeurs de New York dans un home studio français, comme ici, fin 2010, avec Ouha de Busta Rhymes mélangé au Topsy de Count Basie. Ouais, c'est un mash-up, ça. Tu vois le mash-up ? Gros mash-up. Gros mash-up. Ah oui. C'est bon, ah oui, non ça, c'est pas Condé, c'est l'autre. D'un siècle à l'autre, donc, cette musique joyeuse qui accompagne les nuits folles d'entre les deux guerres, le plus jamais ça, l'interdit, qui résonne encore aujourd'hui, par exemple avec Betty Boop, sexe symbole plusieurs fois censuré des dessins animés des années 30, caricature libérée de la chanteuse Hélène Kane et son Boop Boop A Doop, I Wanna Be Loved By You. Tu peux le faire, Guillaume ? Boop Boop A Doop. Oui, I Wanna Be. Betty Boop, dont l'image accompagne le premier tube du collectif installé à Marseille, Chinese Man, I've Got That Tune. Enfin, dernier écho du siècle dernier, des cousins musicaux de Chinese Man, Smokey Joe and the Kid, qui viennent de Bordeaux. Ils créent, eux, un concept carrément basé sur l'esthétique gangster des années 30, mélangé au hip-hop électro. Et ce swing qui vient de loin, on les retrouve avec d'autres érudits. Je sais que je vais vous perdre l'air, mais pour les gens qui connaissent, ça va leur plaire. Fred Wesley, deux, toujours, ASM, Pigeon John. Et pour le deuxième disque, et aussi... Yoshi qui s'attaque après Erwan à la prohibition. Ah, comment va Erwan ? Ouais. On n'a pas de nouvelles depuis un moment. Ce serait bien l'inviter, moi j'aime beaucoup ce garçon. Yoshi c'est un dinosaure dans Mario, je connais ça. Oui c'est vrai. Mais oui. L'interdit fait le tube et le tube c'est les gangsters des années 30. Peut-être pas connu dans la noblesse ou chez les snobs. Quand on veut me trouver, faut qu'on s'adresse dans tous les petits bars. God bless les côtelettes et les paupiètes, les grosses fesses et les topless, les cocktails bien dosés, les girafes de chouf, les couplets bien posés et les vides fans de ouf, les teufs entre poteaux, les belles entre poteaux, pour un verre de pinard d'un quelconque coteau. J'aime trop taper roto, et vu que j'ai pas de moto, boire ou conduire, allez choisir, y'avait pas photo. J'bois pas ou pense au bout de 30 verres, j'suis bien. Au bout d'une quarantaine, j'ai l'accent mexicain. Au bout de 50, j'pète le premier verre qui vient. Au 60e, je te parle du complot reptilien. Je refais le monde avec mes parigots. Au comptoir, j'avais déjà commencé mon histoire dehors sur le trottoir. Avant d'entrer dans le bar, j'ai fini ma canette. Puis je me suis gratté les couilles avant d'aller piocher dans les cacahuètes. Barman, n'oublie pas mon mec de shot. Tu peux même en mettre 4 vu que je suis avec deux potes. Faut que je les cogne, qu'on célèbre ainsi l'été. J'ai comme une envie de me mettre en état d'ébriété. Lancer les comme ça, pour le plaisir. Lancer les comme ça, sans prévenir. Moi ouais, dis la con, mais que veux-tu, je m'aime comme ça. Tu vois pas et tu me trouves chelou, ça m'étonne. Ça m'étonne. Mm. Smokey Joe and the Kin avec Yoshi. Oui, c'est sorti le 25 mars dernier, cette correspondance entre ces générations qui sont là de 100 ans différentes l'une de l'autre. Un siècle les sépare, voilà, et récupère ce qui s'est fait il y a un siècle. C'était la chronique de Mélanie Bauer, vous pouvez réécouter sur franceinter.fr, comme ça vous noterez Smokey Joe and the Kid avec Yoshi. Le titre qu'on a écouté c'est Prohibition 2, et Rachid Benzine, notre invité, a noté parce que vous kiffez ça. Oui, vraiment, je suis de la old school, comme on dit dans le milieu du hip-hop. Et donc c'est J'en étais sûr. C'est Kerry James, c'est Lunatic, c'est Akhenaton, c'est NTM, Assassin, etc. Voilà, ça fait... Ça fait plaisir. Une résonance. Ça fait plaisir. Rachid Benzine est avec nous. Il publie « La République, l'Église et l'Islam, une révolution française » avec le prêtre Christian Delorme. C'est paru chez Bayard et on vous le recommande très chaudement. C'est clairement expliqué, c'est brillant. Et c'est Isabelle Sorand va nous en parler tout à l'heure dans quelques instants. Mais là, tout de suite, c'est le moment Meurice. Oui, moi je vais vous parler de sport aujourd'hui. Ah. Une fois n'est pas coutume. Le sport, donc le dépassement de soi, ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes. Et pas seulement chez les sportifs en eux-mêmes. Exemple. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Quelle ligne droite. Quelle ligne droite. Quelqu'un les embête. Elles sont championnes d'Europe. C'est énorme. Oula. Voilà, le problème de la drogue dans le milieu sportif, vous l'avez compris, c'est mon sujet du jour. Car ce matin avait lieu le grand colloque de la lutte antidopage organisé par le Comité National Olympique et Sportif Français. Je me suis rendu sur place et j'ai parlé d'éthique sportive avec un des organisateurs, par exemple en athlétisme. Chacun dans le starting block doit être absolument à égalité. Et c'est le problème, justement. Celui qui se dope n'est pas en égalité par rapport à celui qui se dope pas. Mais ils ne sont pas à égalité, puisque déjà, morphologiquement, il y a des différences. Est-ce que, justement, le dopage, ça ne permet pas de lisser les différences? Ah là, vous êtes sournois. C'est une question pervers. Là. Merci, monsieur, pour les compliments. En effet, c'est mon métier. Le sien, c'était d'organiser la parole entre les professionnels de la lutte antidopage. Par exemple, des médecins à qui j'ai posé donc des questions perverses et sournoises. Par exemple, si on en finissait avec toute idée de compétition, est-ce qu'on ne se débarrasserait pas, de fait, du dopage? Oui, ils se doperaient pour... Ouais, je ne sais pas pourquoi faire, mais effectivement, s'il n'y avait plus de compétition, effectivement, on ne chercherait pas à battre des records. Donc, ben voilà, j'ai peut-être trouvé la solution. Oui, donc on va arrêter les compétitions. Et on peut arrêter le colloque, du coup. On peut arrêter le colloque, mais je ne pense pas qu'ils vont être contents. Ah, donc le dopage, ça sert à ceux qui travaillent sur le dopage. C'est ça, voilà. Ben oui, et oui, et ils sont nombreux quand même. Hein. Ils sont nombreux à être payés pour dire 10 ans plus tard, 10 ans après une compétition. Ah, mais en fait, non. Le gars qui a battu le record du monde de saut à la perche avec une caravane accrochée dans le dos, en fait, il était dopé. Non. Eh ben si, merci les gars. Hein, on peut maintenant l'insulter en une de l'équipe après l'avoir élu sportif de l'année. Et quand je dis 10 ans, je n'exagère pas du tout. Hein. Denis Masseglia, le patron du Comité National Olympique Français, m'a parlé de la possibilité de congeler des échantillons aussi bien d'urine que de sang et de les soumettre plusieurs années après. Ce qui veut dire qu'il y a des stocks de pipi de sportifs un peu partout? Bah oui. Donc il y a des gens dont c'est le métier de garder du pipi de sportif. Oui. J'adore mon époque. J'adore vivre en sachant que sur cette planète, il existe Michel, dont le métier est gardien de pipi de sportif. J'aimerais bien être là quand il raconte sa journée à sa femme. Oh bah là, aujourd'hui on a reçu le pipi de Christophe Lemaître, c'est un beau pipi. Hein. Là, je l'ai mis dans le frigo, puis je vais faire gaffe à ce que personne me le pique. Hein. Je suis content. Tiens, je vais aller pisser, ça va me rappeler le boulot. Bon. On vit une époque formidable. Alors après, il y a d'autres professionnels du sport qui ont d'autres avis sur la compétition. Par exemple, un professionnel de la prévention. S'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de sport. C'est un loisir. Le sport implique la compétition. Mais si on fait du sport, par exemple, si on court dans le bois de Vincennes, c'est du loisir. Mais c'est du sport ou pas, là? Non. Ah, c'est pas du sport? Non. Alors donc, je peux aller voir tous ceux qui font du sport dans les salles de sport et ceux qui courent dans le bois de Vincennes pour leur dire qu'ils ne font pas du sport? Ils font pas de sport. Ah, mais ça, ils vont gueuler, hein? Non, ils vont pas gueuler, ils vont comprendre si on leur explique. Ah bah, un peu que je vais leur expliquer. Alors là, je vais bien me poser sur un banc avec une bière, et à chaque fois que j'en vois un passer hein, qui transpire dans son caouet fluo, je vais dire hey, « Hé, tu sais que tu fais pas plus de sport que moi, mon pote ?» Ah, ça me plaît bien comme idée. C'est plus amusant que de s'entasser sur les pentes de l'Alpe d'Huez en juillet, hein, pour voir des mecs passer plus vite que dans un Grand Prix moto, même si ce professionnel du sport a tenu à relativiser mes accusations. Oui, bah il y a peu de gens qui montent le Ventoux, l'Alpe d'Huez. Non, là, ils sont un peu plus fatigués maintenant quand même dans l'ensemble. Ouais. C'est vrai ? Oui, ils sont plus fatigués quand ils arrivent en haut. C'est vrai qu'avant les types étaient même pas essoufflés, alors qu'aujourd'hui ils font l'effort de faire semblant. Hein, il y a même au cours Florent une option sport de haut niveau hein, pour apprendre à jouer la fatigue après avoir couru le 400 mètres haies à la vitesse de Mélanie Bauer qu'on menacerait avec un CD de Patrick Fiori ou Isabelle Sorrente avec un livre de Guillaume Musso comme ça. Mais nous n'avons toujours aucune réponse à cette question pourtant existentielle. À quoi ça peut bien servir de courir plus vite que son voisin ? Demandons à un ancien président délégué de la Fédération d'athlétisme. C'est une sensibilisation morale, c'est une forme de se mettre en valeur par rapport à soi-même et par rapport aux autres, par rapport à la société. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir une meilleure estime de soi en aidant son voisin plutôt qu'en essayant de courir plus vite que lui ? Je ne saurais pas dire exactement, peut-être il y a des philosophes qui sont mieux placés que moi. Moi je suis plutôt philosophe. Philosophe, un néologisme qui résume bien la situation, la sagesse du filou, celui d'un système qui privilégie sans cesse la compétition au détriment de la coopération. Pendant que les sportifs pissent dans les éprouvettes, ceux qui font semblant de croire en l'efficacité de la lutte antidopage font de même dans des violons. Merci Guillaume Meurice. Vous êtes sur France Inter où jusqu'à 18h on remet la mosquée au milieu du village avec Rachid Benzine, politologue et islamologue libéral, parce que vous êtes vraiment, alors on dit partout, vous êtes fer de lance de l'islam libéral. Je ne sais pas si je suis le fer de lance, en tout cas j'appartiens à un courant qui utilise les sciences humaines, celles que nous avons appris dans les universités pour lire les textes fondateurs, donc on ne lit pas ça à travers le prisme de la théologie ou des sciences religieuses, c'est simplement les sciences humaines que nous apprenons, mais qui sont aussi valables pour les autres textes. Et voilà comment nous allons aborder le deuxième sujet, donc la loi égalité et citoyenneté, c'est ce qu'on appelle aussi le plan anti-apartheid social de Manuel Valls, toujours le même. La France se prend aujourd'hui son passé colonial dans les dents. Les écoles sont loin d'être des lieux de mixité sociale et quand c'est le cas, on voit bien que les enfants sont pas tout à fait habitués. Salut Renoir. Alors ça va la famille, tout ça, bien bien. Dans quelle classe ? Je suis en 6e. Et tu viens de quelle cité mon frère ? Une cité ? Bah ouais, c'est quoi le nom de ta cité ? Bon, pardon, je suis confus mais il y a méprise. Mon père est ambassadeur du Gabon à Paris. Ambassadeur ? Ambassadeur. Mais ça c'est pas grave, on peut quand même être copains tous les deux. Tu plaisantes. Je peux être copain avec un type qui porte des mocassins à gland. Un extrait du film Neuilly sa mère. Alors un rapport de l'UNICEF vient encore de montrer une fois de plus que la mixité sociale est catastrophique dans les écoles françaises. Manuel Valls parle d'apartheid social quand Jacques Chirac parlait lui de fracture sociale. Ça veut dire que la fracture sociale est vraiment devenue une forme d'apartheid social, territorial et ethnique comme le dit Manuel Valls, Rachid Benzine. Oui, en tout cas les fractures sont de plus en plus nombreuses. Nous avons dans certains quartiers 40 ans de chômage, parfois jusqu'à 50% de chômage pour les jeunes. Nous avons un problème de mixité, c'est-à-dire que lorsque moi j'étais élève au lycée à Trappes, il y avait une véritable mixité. Aujourd'hui, dans certains quartiers, notamment au lycée Plaine de Noufle, je dirais la diversité, c'est le seul professeur. Et donc ça pose un problème. Mais c'est un bon professeur, la diversité. Oui, c'est un problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'avez pas cette possibilité de rencontrer les autres, de rencontrer la diversité de la société française, vous avez l'impression que vous êtes complètement exclu. Et donc, ça développe le nous et le eux. Et ce nous et ce eux sur lesquels vont jouer les futures ruptures. Et donc, il faut qu'on soit capable aujourd'hui d'être dans une espèce de mobilité. Et aujourd'hui, pour beaucoup de jeunes, mais c'est aussi valable à la campagne, c'est-à-dire que s'en sortir, c'est quitter le quartier. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui doit être compris, parce que personne ne rêve du béton. Oui. Et vous dites aussi quitter les siens, c'est le travail d'esprit critique que vous avez fait sur les textes et le fait de regarder les textes par le prisme des sciences humaines, c'est aussi un petit peu quitter les siens quand les siens sont dans une tradition. Il faut du courage pour ça. C'est vrai, mais je crois que c'est valable aussi pour beaucoup de fils d'ouvriers qui ont fait des études à un moment, des études supérieures, et donc il y a un décalage avec l'imaginaire que va leur donner l'université dans ce qu'ils vont devenir à partir de leur aspect intellectuel ou de la pensée. Donc quand ils reviennent dans la famille. Et quand ils reviennent dans la famille, donc du coup, il y a ce décalage intellectuel et ce décalage d'imaginaire, de représentation. Donc ce qui reste, c'est plutôt l'affect. Et donc, on a besoin aussi de ça. Et ce travail de critique interne fait que parfois, avec ma famille et autres, on se sent aussi en décalage. Mmh. Isabelle Sorrente, vous avez lu La République, l'Église et l'Islam, une révolution française. Oui. Alors. Nous l'attendons. Je commence par autre chose. Pour... D'accord. Oui, je vous nous l'attendons tous. Tous, nous l'attendons depuis des siècles. Nous l'attendons, nous qui, angoissés et exténués par la foule du pont de Galata, contemplons avec douleur les eaux gris fer de la Corne d'Or. Nous qui rajoutons des bûches dans le poêle, impuissants à chauffer notre unique pièce au pied des remparts. Nous qui gravissons les interminables escaliers d'une vieille maison grecque dans une ruelle du quartier de Djihangir. Nous encore, qui dans une bourgade perdue d'Anatolie et dans l'attente du rendez-vous avec un copain, nous plongeons dans les mots croisés d'un journal d'Istanbul. C'est lui encore que nous attendons quand nous marchons, mélancoliques, sur des trottoirs couverts de boue, portant à la main des sacs de papier faits de vieux journaux lus et relus, ou des sacs en plastique de la plus mauvaise qualité qui imprègnent de leur odeur synthétique les pommes qu'ils contiennent, des filets à provisions qui laissent des traces violâtres sur la paume et sur les doigts de nos mains. Nous l'attendons quand nous rentrons du cinéma. Nous l'attendons quand nous revenons de la rue des bordels où nous couchons avec des putains qui exacerbent encore en nous le sentiment de solitude, des tavernes où des copains se moquent impitoyablement de nous parce que nous avons des petites manies ou encore de chez nos voisins. Nous l'attendons tous. Alors, vous aurez peut-être reconnu un extrait du livre noir d'Orhan Pamuk. Oui, le livre noir d'Orhan Pamuk. Oui, c'est ce que j'avais dit. J'ai vu cette lueur de compréhension, Alex, dans vos yeux. Je me disais aussi que c'était pas de moi. Rachid de Guillaume Musso, je me suis dit aussi. Roman magnifique, j'y ai pensé sans cesse en lisant vos ouvrages. Parce que je me disais, voilà, nous cherchons tous la vérité, l'intégrité, le bonheur. Et la question est de savoir au fond à quel moment cette recherche tourne mal. Parce que nous décidons que notre manière de chercher est meilleure que celle du voisin. Et qu'au fond, s'il pouvait chercher exactement comme nous, ça améliorerait nos chances de trouver. Alors, c'est un raisonnement bizarre quand on y réfléchit, parce que si l'autre cherche au même endroit exactement que moi, j'augmente mes chances de trouver pourquoi. On pourrait dire au contraire que si nous laissons tous chercher dans des directions différentes, on augmenterait peut-être nos chances collectives de trouver. Oui. Sauf qu'exiger de l'autre qu'il cherche au même endroit que nous, Charline, ça donne une sensation réconfortante de supériorité. Puis on se sent moins seul. La compétition, toujours. Voilà, la compétition. Alors, l'intolérance, hein, on pourrait dire que nous la pratiquons tous les jours. Alors moi, personnellement, je peux me transformer en grand inquisiteur quand je trouve mes amis trop matérialistes et j'ai envie de leur crier « Mais vous ne vous rendez pas compte que vous perdez un temps précieux à courir après des illusions au lieu de lire, par exemple, Orhan Pamuk ou Rachid Benzine. Mec, lis Dante Alighieri, lis Gamal Gitani. Non, tu préfères lire ton rapport d'activité, après tout, c'est ton choix. » Bon, alors, crier sur les autres, ce n'est pas la bonne solution puisque le temps de la vie est si bref, un chercheur ferait mieux de se concentrer sur sa recherche. En Inde, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que les gens ont deux mots différents pour définir ceux qui éprouvent le besoin de vivre une dimension spirituelle. Il y a le mot « believers », les croyants, et les « seekers », les chercheurs. Les croyants font partie de la grande famille des chercheurs de vérité. L'essentiel reste donc de chercher. Malheureusement, toujours l'importance des mots, en France, le mot « chercheur » est plus associé au CNRS qu'à la dimension spirituelle. Et vous vous souvenez de la parole du général de Gaulle « On n'a pas besoin de chercheurs, mais de trouveurs ». Alors, beaucoup de gens autour de moi me disent ça comme si c'était génial. Moi, je trouve ça catastrophique. Cartésianisme, quand tout nous tient, c'est une catastrophe. Parce que les trouveurs, en matière de spiritualité, eh bien, c'est cette obsession du résultat. Mais oui, De Gaulle disait aussi des conneries. Hein, ben voilà, il faut le dire. Et ça nous mène droit à ce très beau poème d'Aragon, « Il n'y a pas d'amour heureux », qui, à mon avis, s'applique aussi à la spiritualité. Et quand il croit ouvrir les bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. Oui, la route du chercheur est pleine d'embûches. Et avoir peur de notre besoin d'absolu, je trouve que c'est un peu le défaut en ce moment d'une sorte de laïcité fanatique. Avoir peur de notre besoin de sacré comme de notre ombre, le renier, ça n'est sans doute pas la solution. Je partage donc, Rachid Benzine, votre analyse sur l'importance du dialogue interreligieux. Et je pense, au-delà, je dirais, l'importance d'un dialogue interspirituel entre tous les chercheurs de vérité, qu'ils soient religieux, artistes ou scientifiques. Les chercheurs doivent se retrouver et ne pas se laisser faire par la rage des trouveurs. Merci Isabelle Sorrente. Je retiens la laïcité fanatique. Oui, je trouve. Oui. En tout cas, je trouve que c'est un concept qui est pertinent parce qu'aujourd'hui, on a différentes laïcités qui sont en train de se battre dans l'espace public. Il y a une laïcité qui est ouverte, qui part des principes de liberté de conscience, la séparation entre le politique et le religieux et la liberté de culte. Puis il y a un certain type de laïcité qui veut éradiquer le religieux dans l'espace public. Or, les religions ont toujours, et on le montre, ont toujours apporté du lien par le symbolique. catholiques, elles ont une capacité d'offrir quelque chose à la société. Et aujourd'hui, le problème, c'est pas la religion, le problème, c'est un certain type de religieux dans l'espace public qui veut justement imposer sa norme. Et ça, sur la, en tout cas sur cette forme-là, il faut être intransigeant et je dirais, et respecter ce principe de la laïcité qui est une donnée pour tout le monde. Et encore une fois, la laïcité n'est pas contre la religion. Moi, j'ai une petite question. Où ça s'arrête, où ça commence une religion? Parce que à ce moment-là, pourquoi pas les raéliens, par exemple? Ils ont une croyance qui est, bon, celle des extraterrestres, pourquoi pas, plutôt que celle d'un mec qui marche sur l'eau ou quoi. Alors pourquoi on les accepte pas autant que les trois religions monothéistes? Je sais pas si on accepte pas les raéliens. En tout cas, une religion, c'est un certain nombre de textes, de rites, qui sont quand même... Ils en ont aussi, je prends cet exemple-là, parce qu'il est connu médiatiquement, mais ils en ont aussi. Oui, mais moi, j'ai rien contre les raéliens. Non, je veux dire, si, on le sent quand même. Il y a une raélianophobie. On parle toujours des trois religions monothéistes, et il y a d'autres gens qui ont d'autres croyances, et je vois pas pourquoi. Mais parce que c'est pas pour défendre elle. Non, mais d'abord, c'est parce que c'est lié aussi à notre imaginaire et à notre passé historique. Le lien entre, le conflit entre le christianisme et l'islam a été important, comme pendant très longtemps, le christianisme et le judaïsme. Je crois que ce sont, je dirais, trois grandes religions qui aujourd'hui s'expriment dans l'espace public. C'est pas quelque chose d'intime, la religion? C'est censé être intime. Il y a à la fois, je dirais, de l'intimité, mais le religieux, c'est pas simplement des textes, c'est aussi un rapport à soi et aux autres, avec des rites, dans l'espace public. Or, aujourd'hui, on a une conception d'un religieux, mais qui est lié au spirituel, au sens de l'intimité, de l'intériorité. C'est vrai pour une grande partie de la population, mais pour d'autres parties, c'est-à-dire que pour eux, le religieux est quotidien, et le quotidien est religieux. Et ça, aujourd'hui, ce sont les nouvelles formes du religieux dans l'espace public, parce qu'il y a une mutation. C'est-à-dire que nous n'avons plus affaire aux religions traditionnelles que nous avons eues avant. Aujourd'hui, nous avons affaire à de nouvelles formes du religieux en contexte de mondialisation, et tous les sociologues montrent qu'il y a une déconnexion entre le religieux et la culture. On a de plus en plus de gens qui sont religieux et de moins en moins de gens qui sont cultivés. Eh bien, passons à une nouvelle forme de musique, Rachid Benzine, après ses bonnes paroles. Eh bien oui, il est là. Bonjour Frédéric Fromet. Bonsoir. Vous allez nous parler de quoi ? Voici une chanson que j'ai écrite hier en commission poésie du mouvement Nuit Debout. La nuit debout, la nuit debout, c'est la gym tonique pour les mains. La nuit debout, la nuit debout, si tu es manchot, passe ton chemin. Si t'es d'accord, bouge tes mains en l'air. Si t'es pas d'accord, mets-les en croix, mon frère. Tu passes ton temps à les bouger comme ça, comme dans un spectacle de Chantal Goya. J'ai marié avec Jean-Jacques Debout. La nuit debout, la nuit debout, tout le monde est assis par terre. La nuit debout, la nuit debout, on a voté que c'était pas bien la guerre. On vote pour tout, même pour les repas. Qu'est-ce qu'on mange, boulgour ou quinoa? À vrai dire, on s'en fout des âgés. Ça sert à rien, on est presque tous bourrés. La nuit debout, la nuit debout, il y a aussi des ateliers coloriage. La nuit debout, la nuit debout, c'est les JMJ en plus sauvage. Il y a des virtuoses qui jouent du djembé. Là, je me demande pourquoi on n'a pas voté. Quelle est la cam qui circule sur la place pour dire que nous sommes le 46 mars. La nuit debout, la nuit debout, c'est des gens qui parlent et on n'y comprend rien. La nuit debout, la nuit debout, mais c'est pas grave car on est tous des copains. Il y a des tentes où on discute, c'est ce qu'on appelle la convergence des huttes. On a la solution pour changer le système, on a créé une commission où on écrit des poèmes. La nuit debout, la nuit debout, t'es largué si t'as pas fumé des pêtes. La nuit debout, la nuit debout, et si c'était seulement pour faire la fête? Pourquoi pas, c'est comme une kermesse, entourée par des quarts de CRS, ces chiens de garde de l'état fasciste, selon la formule de notre mouvement pacifiste. La nuit debout, la nuit debout, je me moque et c'est vraiment pas gentil. La nuit debout, la nuit debout, au moins ça m'a fait une chanson du vendredi. Merci. Frédéric Fromet. Et Guillaume Meurice, c'est une idée pour vous, Frédéric Fromet. Première partie de Michel Sardou. Voilà. Tournée, voilà. Avec plaisir. Vous allez leur chanter là-bas ce soir. Ils oui, bien très sûr. Contents de vous accueillir. Merci Frédéric Fromet. Et merci à Rachid Benzine d'avoir passé ce moment avec nous. Je rappelle aussi quelque chose qui m'a frappé dans vos propos. Quand vous dites que le religieux repose sur trois pôles, il y a l'éthique, il y a la connaissance et après il y a l'identité. Et donc si l'identité est sans les deux autres, sans l'éthique et sans la connaissance, c'est une coquille vide, c'est comme ça qu'on devient sectaire. Exactement, c'est le problème des guerres identitaires que nous voyons aujourd'hui à travers un certain nombre de mouvements politiques qui poussent beaucoup sur la question de l'identité qui est fantasmée et des gens qui réduisent le religieux à l'identitaire, c'est ce qu'il y a de plus explosif. Merci Rachid Benzine. Merci à vous. Je rappelle que vous publiez La République, l'Église et l'Islam, une révolution française avec le prêtre Christian Delorme, c'est paru chez Bayard. Et je vous conseille aussi l'édition augmentée du Coran expliqué aux jeunes, paru au Seuil. Merci à tous, on va se retrouver lundi avec Philippe Catherine. Nous serons en direct parce que, eh oui, nous sommes en direct. Ce qui n'est pas qu'à tout le monde en face à cette heure-ci. On oublie de le rappeler. Allez, on laisse le mot de la fin à la mixité dans nos écoles. Salut Renaud, alors ça va la famille, tout ça, bien. Tu viens de quelle cité mon frère? Je suis confus mais il y a méprise. Mon père est ambassadeur du Gabon à Paris. Mais ça c'est pas grave, on peut quand même être copains tous les deux. Tu plaisantes? Je peux être copain avec un type qui porte des mocassins à gland.